Elle est graveur, manie l'humour, les couleurs, la gravure par l'acide ou la linogravure, comme d'autres le pinceau. Son univers, le cirque, la famille, la faune et la flore. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui rencontre des artisans d'art d'exception en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois sur Fadjet, le vendredi à 18h. Entrons ensemble dans l'atelier de Jeanne Pic, graveur installé à Ludres, en Lorraine. Merci Jeanne Pic de m'accueillir chez vous dans votre atelier de gravure. Merci à vous d'être venue jusqu'à Ludres. Donc, je suis installée dans mon atelier de gravure depuis 2 ans, donc à Ludres, qui est une petite ville à 10 minutes de Nancy. Alors pourquoi la gravure ? Alors la gravure, un peu par hasard en fait. Donc j'ai commencé des études d'art après le bac. Au départ j'ai fait une prépa, une année de prépa aux ateliers de Sèvres à Paris. Ensuite donc je suis rentrée dans une classe de mise à niveau à Olivier de Serres, donc c'est une des 4 écoles d'art appliqué de Paris. Et à la fin de cette année de mise à niveau, donc le but c'était, donc en année de mise à niveau on fait un petit peu de tout, et le but c'était de postuler donc dans différentes formations. À la base je voulais plutôt textile, et puis finalement j'étais pas prise en textile, j'étais prise en gravure. Et finalement, donc c'est avéré que c'était une très bonne chose, vu que ça m'a fait découvrir vraiment un univers très riche. Et finalement, le goût que j'avais pour le textile, je l'ai pas oublié. On peut le retrouver quand même dans mes gravures avec beaucoup de papier à motifs, etc. Donc un peu par hasard, mais finalement, c'était une bonne chose. Vos dessins sont un voyage entre la faune et la flore, avec un maître mot, la couleur. Oui, ben justement, alors je pense toujours ce goût pour le textile. Alors à la base, c'est vrai que la gravure, c'est traditionnellement plus du noir et blanc. Ouais. Et moi, dès le départ, en fait, dès ma formation de gravure, donc à l'école Estienne, je cherchais toujours à rajouter de la couleur, à soit imprimer en noir et blanc et alors avoir des incrustations de couleurs en linogravure, avec des papiers, soit imprimer directement donc avec des couleurs. Et donc voilà, donc ce que je recherche vraiment à chaque fois, c'est de pouvoir avoir cette touche colorée qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors justement, on va prendre un exemple, puisque l'humour n'est pas en reste dans vos créations. Si je vous parle de passereaux, alors pour les éditeurs, passereaux, c'est une collection, on va dire une série d'oiseaux, un oiseau par mois, qui a été fait durant l'année 2013. Oui, c'est ça. Alors au départ, les passereaux, en fait, je me baladais à l'animalerie avec ma fille et je suis tombée sur des oiseaux exotiques qui s'appellent le diamant. Et vraiment avec des couleurs tellement magnifiques, je me suis dit qu'il faut que j'en fasse une gravure. Et à peu près au même moment, je suis tombée dans une brocante sur un agenda vierge de 1944. Et du coup, l'idée m'est venue de faire un oiseau par mois, donc en récupérant ces pages vierges d'agenda sur lesquelles j'ai imprimé. Et donc un mélange d'oiseaux exotiques et des oiseaux qu'on peut trouver aussi dans notre pays, un petit peu des deux, quoi. Et voilà, donc j'ai tout au long de l'année 2013, du coup, sorti un oiseau différent tous les mois. Eh bien, vous allez nous expliquer concrètement comment sont nés les passereaux dans votre atelier. Donc on va se déplacer un petit peu, Jeanne Pic. On est devant une presse. Taille douce. Alors la taille douce, c'est tout ce qui est gravure sur métal, donc cuivre traditionnellement, mais je peux imprimer aussi de la linogravure avec. Donc là, Jeanne Pic, on est dans votre atelier, dans la partie, on va dire, confection de vos estampes. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, à la base, pour imprimer un passereau, j'imprime au préalable des petites plages de couleurs qui sont réalisées avec des linogravures avant d'imprimer la plaque de métal par-dessus, qui est le dessin. Donc ces petites plages de couleurs, donc j'étale de l'encre de couleur sur une plaque. avec le rouleau. Donc là, c'est une encre jaune que vous avez fait devant moi à l'instant. Et là, vous passez un rouleau sur une plaque de verre. Oui. Bah, c'est une plaque de plexi. Bon, après, je pourrais le faire directement sur mon établi, mais il n'est pas très propre. Donc le jaune ne serait pas très propre non plus. Voilà. Donc j'ai toujours des petites plaques pour mettre différentes couleurs, qu'elles restent bien, bien belles, bien lumineuses. Et maintenant, je l'étale. Je passe le rouleau, donc, qui est couvert de jaune, sur ma plaque de linogravure. Donc, dans du lino, vous avez dessiné puis découpé une girafe et vous appliquez avec un rouleau donc jaune, enduit de couleur jaune, la couleur. C'est ça, exactement. Voilà, c'est le principe d'un, comme je disais tout à l'heure, d'un tampon encreur. Mmh. Donc, c'est vraiment l'encre vient se déposer sur la surface avant de passer sous presse. Sur la surface, parce que moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a des parties colorées, donc jaunes, et il y a des parties qui sont creusées, où il n'y a pas de couleur. C'est ça. En fait, c'est l'inverse de la taille douce, donc, qui est la gravure sur métal. C'est que la taille douce, donc l'encre est en fait dans les creux, et la surface reste blanche, et la linogravure, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est creusé, ça reste blanc. C'est comme un négatif, quoi, finalement. Mm-hmm. Et la surface, ce sera la couleur que vous voulez. Mm-hmm. Donc là, vous avez fait quoi, Jeanne Pic? Alors, je pose ma plaque donc, sur le plateau de ma presse, donc on appelle le lit de la presse. Mm-hmm. Je pose mon lino. Ensuite, je vais venir prendre un papier, je le pose par-dessus, et puis ben, je vais passer le tout sous presse. C'est parti. Je dispose ma girafe. Donc sur du papier? C'est ça, ouais, sur un papier. Alors le lino s'imprime, on peut l'imprimer un peu sur n'importe quel papier, en fait, ça. Et aussi sur du tissu, d'ailleurs. Mm-hmm. Contrairement à la taille douce, donc la gravure sur métal qui s'imprime vraiment sur du papier spécial, taille douce. La linogravure, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire des choses, notamment avec du tissu ou différents papiers. D'accord. Et donc là, vous allez tourner un... C'est ça, je tourne le volant de ma presse. Et on va passer, hop. Hop. Voilà. J'enlève la plaque et on obtient l'estampe. Donc le dessin. Voilà, le dessin imprimé sur la feuille. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est terminé ou il y a des choses encore à faire? Alors pour la linogravure, là, c'est terminé. Voilà. Bah, il y a un temps de séchage, hein, vu que c'est des encres à l'huile, donc voilà, faut attendre quand même un certain temps. Mm-hmm. Après, pour la taille douce, ça s'imprime sur du papier, donc sur un papier spécial taille douce, mouillé. La taille douce, on rappelle que c'est sur du métal. C'est ça, exactement, cuivre, traditionnellement du cuivre. Donc ça s'imprime sur un papier humidifié. Et donc pour le séchage, si on laisse le papier tel quel, il gondole. Mmh. Donc en fait, on le fait sécher dans ce qu'on appelle un cartonnier. C'est des buvards, plusieurs buvards les uns sur les autres. On met donc notre estampe entre les buvards et des poids par-dessus. D'accord. Et donc du coup, ça sèche à plat avec donc deux, trois jours comme ça. Et comme ça, l'estampe est bien à plat. Et l'humour, comme je le disais, Jeanne Pic, n'est pas en reste dans vos créations. Je peux par exemple citer Pan ou Bénissez-moi car j'ai pêché. Oui, c'est donc des gravures de pêche avec des bouchons et des poissons. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai souvent... comment dire, le côté jeu de mots m'intéresse souvent. Bah, j'ai été un peu élevée comme ça. Enfin, j'ai un papa qui... qui joue beaucoup avec les mots comme ça. Donc en fait, ça peut m'arriver d'avoir un jeu de mots qui me vient, enfin, comme par exemple péché mignon, et et d'en faire une gravure. Donc voilà, en l'occurrence péché mignon, du coup c'était une fleur de péché. Ou des fois c'est l'inverse, des fois j'ai une gravure et je fais en sorte à chaque fois d'essayer de trouver un titre un peu sympa, souvent avec un jeu de mots. ou qui s'en approche, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien. Après, sinon, j'ai une gravure, par exemple, qui s'appelle De l'art ou du cochon. Ouais. Donc voilà, là, c'est vraiment le jeu de mots qui m'a fait faire la gravure aussi. Donc c'est soit dans un sens, soit dans l'autre, mais je fais la plupart du temps, je fais en sorte qu'il y ait ce jeu de mots qui intervienne, quoi. Moi, j'ai bien aimé Pan. Donc Pan, ça s'écrit P-A-N comme un coup de feu, Pan. C'est ça. Et en fait, c'est un pan, donc l'animal qui est représenté. Oui, c'est ça, exactement. Bon, là, j'ai joué le jeu à fond, vu qu'il y a une étoile orange comme ça sur la gravure, avec marqué pan, bah, comme le coup de feu, exactement. Est-ce que c'est pas trop physique, jeune pique, d'être graveur au quotidien ? Alors, graver une plaque, c'est pas physique. Mmh. Voilà. La gravure en elle-même n'est pas physique. Ce qui peut être physique, c'est l'impression de la plaque. Donc bon, ça dépend quoi, mais bon, les plaques de lino, c'est pas physique à imprimer. Ce qui est physique, c'est la gravure sur métal, la taille douce. Après, plus la plaque est grande, plus il faut de pression, donc on règle la pression de la presse, donc on en met plus ou moins, et plus on serre la presse, plus le volant sera difficile à tourner. Donc ça peut être parfois physique quand on fait des grandes plaques, voilà. Mais d'une manière générale, ça reste quand même correct, voilà, sauf sur certains tirages qui peuvent l'être un petit peu. Jeanne Pic, là, ça fait à peu près 2 ans que vous êtes installée en tant que graveur. Est-ce que vous arrivez à en vivre financièrement ? Alors, ça commence tout doucement. Après, oui, je peux pas le cacher, c'est pas évident de vivre de ce métier. Au même titre que... donc, un graveur, c'est artiste, donc au même titre qu'un peintre, qu'un illustrateur, etc. Le fait de donner des cours, oui, ça peut être un apport aussi... en plus, mais en vivre, c'est pas toujours évident. Donc il y a des périodes où ça va marcher plus ou moins bien, des collections que je sors qui vont plaire, des qui vont moins plaire. C'est variable. Voilà, c'est assez variable, ça dépend ce qu'aime le public. Après, les personnes qui sont intéressées par le métier de graveur, par exemple, on peut trouver de la gravure dans l'illustration, et le fait d'avoir fait de la gravure, d'avoir abordé cette technique, peut donner une corde en plus à l'arc d'un illustrateur, quoi. Avoir quelque chose que les autres n'auront pas forcément. Et même si parfois ça peut être difficile financièrement, est-ce que vous regrettez votre choix de vous être installé en tant que graveur ? Non, pas un seul instant, parce que ça me plaît vraiment. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais. C'est vraiment un métier sympa, quoi. Je vais pas me plaindre et le fait que je gagne pas forcément bien ma vie, si en plus j'aimais pas mon métier, ce serait compliqué. Vous créez également des séries, on peut même parler de collections. Alors, pour ne citer que quelques-unes de ces collections, il y a la thématique du cirque, la thématique de la chasse, ou encore la thématique du jeu des 7 familles. Si je prends le jeu des 7 familles, si on prend la fille... Par exemple, la fille a un corps d'être humain, une tête de faisan. Le fils, il a une tête de lapin. Ou encore la grand-mère, elle a une tête de loup. Alors vous aimez les décalages, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. J'aime bien le côté un peu décalé comme ça. Et la première série que j'ai faite comme ça avec des personnages à tête d'animaux, c'était donc les scènes de chasse et donc 3 personnages donc avec des têtes d'animaux autour du thème de la chasse sur des corps d'êtres humains dans des positions lascives. Donc c'était le but, c'était de faire une série un peu satirique sur un peu satirique, critique, un peu grinçante sur le thème de la chasse. C'est parti de là et j'avais envie depuis un moment de faire un jeu de cette famille, de faire une famille pour le coup, et je suis restée dans cet esprit-là avec un jeu entre les proies, les prédateurs, et donc c'est pour ça qu'on a le faisan, le lapin, le loup, etc. Donc un peu tout autour du thème de la chasse encore, un petit peu, voilà, le côté un peu décalé, un peu grinçant, qui me plaît bien. Et vous pourrez retrouver toutes ces créations sur la page Facebook de Main de Maître, puisque toutes les créations dont on parle aujourd'hui seront présentes. Alors moi, vos créations me font penser à l'enfance. Je ne sais pas si je suis sur la bonne piste ou pas. J'ai envie de vous demander d'où vous vient votre inspiration. Alors oui, c'est vrai que c'est, en fait, de plus en plus. C'est de plus en plus tourné vers le thème de l'enfance. Je pense que ça vient de mes enfants, voilà, vu que j'ai donc une petite fille de 4 ans et un bébé de 6 mois. Donc du coup, de plus en plus... fatalement, on est plongé là-dedans, quoi. Ouais. Et alors, il y a ça, il y a des fois, je vois bon, plus ma fille, pour le coup, et j'ai des flashs comme ça, où je me dis, faut que je fasse une gravure, là, comme ça, et vraiment des images qui me viennent comme ça, des fois, en la regardant. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler à partir de photos anciennes, mm-hmm. souvent d'enfants, voilà, que je fouille, soit des très vieilles photos de famille, soit des fois sur Internet, tout ça autour de l'enfance, quoi. Pour vos estampes, vous utilisez des techniques très différentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Donc la technique de base, c'est l'eau forte. Donc l'eau forte qui désigne l'acide, en fait, donc la gravure par l'acide. Mmh. Le principe vraiment de base, c'est une couche de vernis sur une plaque de cuivre. Quand le vernis est sec, on passe une pointe qui va enlever donc le vernis à l'endroit où on passe la pointe et on plonge dans l'acide. Et là, c'est l'acide qui va venir creuser le cuivre qui est à nu, qui n'est plus protégé par le vernis. On enlève le vernis et on obtient la gravure. Donc ça, c'est l'eau forte, la technique de base. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment décliner cette technique. Il y a une quantité sans fin de techniques différentes, de cuisine autour de la gravure. À ça, on peut ajouter des techniques donc de linogravure. La linogravure, c'est le principe d'un tampon encreur. Ça se grave donc avec des instruments qu'on appelle des gouges. On enlève de la matière sur... Oui. C'est des plaques de lino, hein, comme on pourrait mettre par terre. Et on a un rendu vraiment comme un tampon encreur. Et donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter tous ces petits papiers, en fait. Donc j'ai énormément de papiers à motifs ou même quelques papiers unis que je découpe que j'encolle au préalable, que je découpe et que j'insère au moment où je passe sous presse. Et ce qu'on a vu tout à l'heure avec la thématique de la girafe, c'était quoi alors ? En termes de technique, ça c'est uniquement une linogravure. Voilà, ça m'arrive de faire des fois juste des linogravures. J'ai une collection comme ça un peu pop que je fais en estampe. Donc il y a la gravure, c'est la plaque gravée, qu'on imprime donc sur une feuille de papier. Cette feuille de papier s'appelle l'estampe, voilà. Donc d'accord. La gravure et l'estampe. Donc voilà, en fait, je fais sous forme de donc la girafe notamment, sous forme d'estampe, donc rendu papier, et que j'imprime aussi, donc j'ai fait des coussins et des, donc ça s'appelle des tote bags, donc des espèces de sacs en toile. Oui. Donc on peut, sur du tissu, imprimer de la linogravure, on peut pas imprimer une plaque de cuivre, c'est pas ça, ça il faut vraiment, ça nécessite vraiment le papier particulier, quoi. Et alors là, vous réalisez donc différentes thématiques qu'on a dit autour de l'enfance, autour de la faune, de la flore. Votre prochaine collection, ce sera quoi le thème ? Alors, j'ai plusieurs idées en cours. La prochaine chose que je vais faire, c'est m'installer dans mon nouvel atelier. Donc, pour l'instant, ça va être plutôt ça, début octobre, à Nancy. Oui. Une collection que je voulais faire autour, donc qui devrait s'appeler Organique, autour d'organes organiques, voilà, oui. Dans l'idée. Oui, et sinon, là, qui sont en cours, qui devraient être imprimées bientôt, j'ai deux grandes gravures. Une qui s'appelle Cerf-volant et l'autre qui s'appelle Biche-volante. Voilà. Mm-hmm. Alors, ce sera bientôt à voir sur votre site internet, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Je les mettrai en ligne dès que ce sera prêt. Jeanne Pic, une journée à votre atelier, ça ressemble à quoi ? Alors, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, de toute manière. Il y a deux grosses, on va dire, grosses périodes dans l'activité de graveur. Il y a donc la gravure de la plaque, donc qui est un moment de création. Il y a déjà donc le dessin préparatoire. Enfin, il y en a qui... Bon, suivant, si on travaille plus sur la matière, ce sera plus directement sur la plaque. Donc moi, c'est plus illustratif, donc il y a toujours un dessin préparatoire pour moi. Ensuite, donc, il y aura la période de graver la plaque. Oui. Et ensuite, l'imprimer. J'essaye de varier sur ma journée, parce que bon, c'est vrai que l'impression... donc les estampes, le principe, c'est qu'il y a plusieurs tirages. En général, j'en fais entre 20 et 30. On peut en faire plus, hein, je fais pas des tirages très, très conséquents. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu longuet, quoi. c'est sûr qu'il y a un côté un peu répétitif dans le nombre de tirages. Après, on n'est pas obligé d'en faire autant non plus. Hein. Ouais. Donc voilà, donc du coup, bah, ça dépend des journées. Mais des fois, je vais me faire une après-midi entière quand même d'impression, de tirage, suivant les salons que j'ai à présenter. Des fois, ça va être une journée entière avec uniquement les gravures des plaques, ce qui est plus sympa, finalement. Ouais. plus variés, on va dire. Donc, il y a ça à faire, il y a ces choses-là à faire. Mmh. Après, c'est modulable suivant les journées. C'est variable. Voilà, c'est ça. Et justement, par rapport à toutes ces étapes-là, est-ce que vous avez un moment que vous préférez, vous ? Alors, le moment qui me détend, que je trouve vraiment apaisant, c'est quand je passe ma pointe dans mon vernis, que donc j'ai reporté mon dessin préparatoire, et que je passe ma pointe dans mon vernis pour donc faire mon dessin juste avant de mettre dans l'acide. Moi, c'est un moment très, très sympa, très apaisant. Après, les moments sympas dans la gravure, c'est les moments de découverte, entre guillemets, de révélation, donc notamment quand une plaque est... quand on a abouti une plaque, quoi, et qu'on l'imprime pour la première fois, et qu'on en sort donc les stampes, qu'on imprime les stampes, et qu'on voit, qu'on soulève les stampes pour la première fois, et voilà, il y a un côté un peu magique. D'ailleurs, oui. À chaque fois que je fais des ateliers, qu'il y a des enfants, on entend à chaque fois, waouh, c'est vraiment, ils se rendent pas compte d'eux. Voilà, il y a vraiment un côté magique que les enfants aiment bien, et que moi aussi j'aime bien, pour le coup. Alors, vous venez de parler des enfants, vous avez fait par le passé des ateliers pour enfants, vous allez également faire d'autres choses pour faire découvrir votre métier, parce que j'ai cru comprendre que pour vous, la transmission est vraiment très importante. Avec les enfants, oui, il y a ce côté magique, voilà, qui est chouette. Et oui, donc j'ai fait donc au début de l'an dernier des ateliers avec des enfants. En fait, il y a la possibilité, l'intérêt dans la gravure, c'est qu'il y a la possibilité de faire des choses avec les enfants, des choses vraiment très simples, très abordables, très amusantes. Mmh. Et de pousser à découvrir vraiment les techniques un peu plus pas rigoureuses mais qu'il faut connaître, voilà, de gravure. Mm-hmm. avec des adultes, voilà, il y a la possibilité de faire vraiment plein de choses, et je pense que c'est vraiment important de faire redécouvrir ce métier, ou quand la plupart du temps, quand je dis que je suis graveur, déjà les gens s'imaginent que j'ai un pieu, un marteau et que je grave des pierres la plupart du temps, ou que je suis sculpteur, quoi. Voilà, les gens, ils ont souvent ça en tête, donc je leur dis non, je ne grave pas des meubles. Voilà, ce que je produis, c'est du papier, et donc c'est bien de pouvoir le montrer, parce que voilà, c'est chouette de, voilà, en parler, c'est bien, mais quand on le voit vraiment, c'est sympa, c'est vraiment sympa à voir, quoi. Et qu'aimeriez-vous dire aux jeunes qui nous écoutent ce soir ? Justement que le métier de graveur n'est pas un métier poussiéreux, que c'est vraiment, ça peut être vraiment très amusant, qu'on peut faire plein de choses et qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner, d'ailleurs. À l'époque, oui, il y a longtemps, le métier de graveur, effectivement, il fallait un niveau de dessin assez rigoureux, tout ça, ce qui n'est absolument plus le cas, et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses sans savoir dessiner. Faut juste être créatif et avoir envie, quoi. Voilà. Et faire plein de choses, ça veut dire quoi ? Faire comme vous, du dessin avec beaucoup de couleurs ? Ça veut dire faire des choses avec des différents volumes ? C'est quoi, concrètement ? Un peu, moi je suis plus effectivement je fais des gravures qui sont plus illustratives. Mmh. Mais on peut faire, enfin il y a beaucoup d'artistes qui travaillent plus sur la matière, sur des rendus de matière, il y a moyen d'imprimer, de faire des empreintes, de travailler avec un jeu d'empreintes, avec des reliefs, des choses beaucoup plus abstraites. Il y a plein de possibilités, et il y a des gens qui découvrent, je dirais presque des graveurs presque tous les jours, des nouveaux moyens de faire tel rendu. C'est vraiment de la cuisine, et c'est pour ça que c'est très agréable et très accessible à un très large public. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas savoir forcément dessiner pour devenir graveur, mais est-ce qu'il y a des qualités, on va dire, qu'il faut posséder pour être graveur ? Être créatif, voilà. Mm-hmm. Pour moi, c'est essentiellement ça, parce que moi, j'estime que j'ai pas un niveau de dessin non plus exceptionnel, mais voilà, je regarde en fait le monde qui m'entoure, et des fois, je vais voir des choses qui vont vraiment me parler tout de suite, et voilà, donc vraiment, regarder autour de soi, être créatif, avoir des envies. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement, Jeanne Pic ? Je serai... au salon d'art en artisan à Montigny-lès-Metz les 10 et 11 octobre, où normalement je ferai aussi une démonstration. Donc, voilà. Et on retrouve là votre intérêt pour la transmission de votre métier avec différents ateliers pour petits et grands. Oui, tout à fait. un mot, Jeanne Pic, un mot pour terminer, pour donner envie peut-être à des jeunes de faire votre métier. Je dirais créativité, pour pas que les gens pensent que... voilà, toujours pareil, que c'est un métier poussiéreux et rigoureux, voilà. Merci beaucoup Jeanne Pic de m'avoir accueillie ici dans votre atelier à Ludres. Merci à vous. Je vous en prie. Retrouvez toutes les créations de Jeanne Pic sur la page Facebook de Main de Maître, son site internet sur la page de Main de Maître sur le site de Fadjet. Le mois prochain, j'irai à la rencontre d'une designer textile installée à Nancy. À bientôt, au revoir.